Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Shalom à vous, très chers auditeurs, à l'écoute de la radio Fréquence Vie. Vous êtes à votre émission de méditation de la parole de Dieu, dénommée Méditons ensemble pour les jeunes. Nous sommes en 2020, année de prospérité, année de joie, année de perfectionnement, année où tout le monde a décidé de s'approcher du Seigneur et de prendre de nouvelles résolutions. Et nous sommes là avec vous pour vous aider à méditer la parole de Dieu. Je suis Alexis Plignon-Bracois à l'animation et à la mise en onde. Nous avons notre tonton Emmanuel Yao. Pour cet après-midi, je suis avec des jeunes de l'église des Assemblées de Dieu d'Adjamé, Temple La Référence. Ils sont à leur première participation pour Méditons Ensemble 2020. Ce sont des habitués de ce studio. Ils vont se présenter. Shalom, shalom. C'est le frère Baurebi Emeo de Martial, membre des témoins et conseillers également de la Matsi. Salut, moi c'est le frère Gamala Kofi Roslin, membre des témoins et conseillers. Shalom, moi c'est le frère Ago Konan, bienvenue. Je suis membre des témoins et conseillers. Bienvenue à nos amis de Méditons Ensemble, je peux le dire, vu qu'ils ne sont pas à leur première participation. Ce sont des habitués de ce studio. Et avec eux, nous allons méditer la parole de Dieu qui nous est proposée cet après-midi par notre guide de méditation, le Rendez-vous avec Dieu édition 2020. Je vous encourage à avoir ce manuel de méditation pour cette année. En tout cas, il est bien coloré avec des images à l'intérieur qui donnent vraiment envie de méditer la parole de Dieu. Donc, pour cet après-midi, le texte que nous propose notre Rendez-vous avec Dieu édition 2020 est celui de Ésaïe, chapitre 54, versets 9 à 17. Nous allons passer à la prière d'introduction. Après cela, nous allons passer à la lecture de notre texte. Nous prions avec Martial. Seigneur, mon Dieu, merci de ce que tu permets ces instants. Tu recommandes toutes choses de nous éclairer et de par ta parole instruis-nous, que ta bonne main soit sur nous. Merci vraiment de bénir les auditeurs. C'est en ton Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen. Nous allons passer à la lecture de notre texte qui se trouve dans le livre de Ésaïe, le chapitre 54, les versets 9 à 17. Nous faisons la lecture de notre texte dans la Bible, bien évidemment, la version Louis Segond avec notre frère Roselyne Djamala. Lisons. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Verset 11. Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console, voici je gagnerai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Verset 14. Tu seras affermi par la justice, Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes à Méditons ensemble pour les jeunes et cet après-midi, je suis avec trois jeunes de l'église des Assemblées de Dieu d'Adjamé Temple La Référence. Il s'agit de Jamala Roslin, d'Ago Konon Bienvenue et de Baoré Bi Martial. Avec eux, nous sommes en train de méditer dans le livre de Ésaïe, le chapitre 54, les versets 9 à 17. Nous venons de faire la lecture de notre texte. Nous allons passer à l'observation de notre texte. Ensuite, nous allons passer à son interprétation. Et enfin, nous allons tirer les leçons à appliquer. Passons donc à l'observation de notre texte. Présentation du livre et de l'auteur. En hébreu, le nom Ésaïe signifie « Le Seigneur sauve ». Ce livre comprend 66 chapitres au sein duquel s'articulent en trois grandes parties qui correspondent à trois grandes périodes différentes de l'histoire du peuple de Dieu. La première partie, chapitre 1 jusqu'au chapitre 39, se réfère aux hommes et aux événements des années 740 à 700 environ avant Jésus-Christ. Ésaïe devient porte-parole de Dieu à Jérusalem en une période de dangereuses tensions internationales. La seconde partie, chapitre 40 à 55, est appelée le livre de la consolation. Dieu va utiliser le roi Perse Cyrus pour délivrer son peuple. Une nouvelle libération, rappelant la sortie d'Égypte, va permettre à ce peuple de revenir dans la terre promise. La troisième partie, chapitre 56 jusqu'au chapitre 66, relate la période qui a suivi le retour d'exil du peuple d'Israël. Ésaïe occupait la fonction d'archiviste et prédicateur à la cour de Jérusalem. Il a été prophète très longtemps, 760 environ à 698 avant Jésus-Christ. Amen. Merci pour la présentation du livre et de l'auteur de notre texte. Nous allons passer à l'idée générale. De quoi parle le texte que nous venons de lire? Le texte nous parle de les bénédictions réservées à Israël. Les bénédictions réservées à Israël. Est-ce que vous avez un découpage à proposer? Oui. Bienvenue. Oui, nous avons trois découpages. D'abord, le premier découpage se situe du verset 9 à verset 10. Mm-hmm. Ici, Dieu s'engage à respecter son alliance. Mm-hmm. Le second découpage du verset 11 à verset 13. Mm-hmm. Les promesses de bénédiction matérielle. Et enfin, le troisième découpage part du verset 14 à verset 17. Promesses de protection et de sécurité. D'accord, donc nous avons trois parties dans notre texte. Nous allons aborder la première partie qui part du verset 9 au verset 10 et qui a pour titre « Dieu s'engage à respecter son alliance ». Qu'est-ce qui montre dans le texte que Dieu s'engage à respecter son alliance et quelle était cette alliance-là? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il prend l'engagement de respecter l'alliance? Oui, Roslin. Dans le verset 9, nous le voyons clairement, il est dit ici « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » Voilà, Dieu prend là un premier engagement de ne plus s'irriter contre son peuple. Et dans le verset 10, il dit ici « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Donc nous le voyons dans les deux versets clairement, Dieu prend l'engagement, en tout cas de ne plus menacer, de ne plus se fâcher, de ne plus détruire son peuple, mais il prend là l'engagement comme il avait pris au temps de Noé, il le réitère avec son peuple, et dans le verset 10, il dit que quand les montagnes s'éloigneraient, Même quand il chancellerait, moi, mon amour ne se loignera point de toi et je serai toujours auprès de toi pour te faire du bien. Voilà. D'accord, donc voilà nous voyons un peu les deux versets qui nous révèlent clairement l'engagement pris par le Seigneur. Nous voyons que dans ces deux versets, dans la première partie de notre découpage, il s'agit effectivement de l'engagement pris par le Seigneur afin de ne point détruire Israël à cause de l'amour qu'il a pour Israël. Nous allons aborder la deuxième partie qui part du verset 11 au verset 13 et qui a pour titre « Les bénédictions matérielles d'Israël ». Oui, bienvenue. D'abord, nous allons commencer par le verset 11. Il dit « Malheureuse, battue de la tempête et nulle ne console, voici, je gagnerai tes pierres d'antinoine et je te donnerai des fondements de saphir. » Verset 12, « Je ferai des créneaux de rubis, tes portes d'escarbule et toute ton enceinte de pierres précieuses. » Donc voici un peu ce que le Seigneur, promet de faire, voilà, de grandes richesses, de grandes bénédictions à Israël. Voilà. D'accord, nous allons passer à la troisième partie qui part du verset 14 au verset 17, promesse de protection. Oui, Roselyne. Du verset 14 au verset 17, nous le voyons encore clairement. Le Seigneur fait la promesse de protéger son peuple. Dans le verset 14, il dit « Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. » Dans le verset 17, « Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Voilà, donc du verset 14 jusqu'au verset 17, Dieu fait vraiment la promesse à son peuple de le protéger et de le garder. En tout cas, quel que soit le complot, le combat, les armes qui seront forgées contre son peuple, Dieu prend l'engagement en tout cas de les garder et d'assurer leur sécurité afin d'être dans la quiétude et dans la paix. Voilà. Le Seigneur prend l'engagement de protéger Israël. Nous allons donc passer à la deuxième phase de notre méditation qui consiste à l'interprétation de ces versets. Nous allons nous aider avec la question suivante. Quelles sont les vérités qui nous sont révélées dans le texte? Nous partons avec Martial. Ici, nous voyons qu'il y a plusieurs vérités. Précisément au verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » On parle ici de l'amour de Dieu. Secondo, il parle de l'alliance de paix dans le même verset. Ensuite, il parle également aussi de la compassion. Pour résumer, j'ai parlé de l'amour de Dieu, de l'alliance de paix et également de la compassion de Dieu envers Israël. Voilà quelques vérités. Donc nous découvrons dans ce texte que notre Dieu est amour. Il tisse une alliance de paix avec nous et il est un Dieu de compassion. Oui, nous partons avec bienvenue. Quelles sont les vérités qui te sont révélées? En tout cas, suite à ce que Martial vient de dire, précisément nous partons au verset 16. Ici, il est dit, « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. » On va s'arrêter là. « J'ai créé. » Et c'est une vérité, notre Dieu est le Dieu créateur de l'humanité. Voilà, et nous pouvons dire que, puisque ce Dieu est le créateur, il est au contrôle de toutes choses. Et quand nous continuons encore, il dit qu'il fabrique une âme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Nous partons au verset 17, il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et si nous voulons parler de la protection de Dieu, Dieu est un Dieu de protection. Dieu est celui-là même qui nous donne la sécurité. Donc, avec bienvenue, nous découvrons que notre Dieu est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé les hommes et tout ce qui est sur la terre. Et non le Big Bang ou toute autre théorie de création qui nous a été enseignée. Mais plutôt, le texte nous révèle encore que notre Dieu est celui-là qui a tout créé. Celui qui a créé la terre, celui qui a créé les étoiles. Il est celui-là qui a créé les hommes. Aussi, il est le Dieu de protection. Oui, Roselyne. Nous le voyons aussi d'autres vérités dans le verset 11 à 12. Il dit « Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je gamirai tes pierres d'antimoine, et je donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et tout ton enceinte de pierres précieuses. » Ici, Dieu prend l'engagement de rebâtir Jérusalem en ruine. Donc, la vérité ici, c'est que Dieu rebâtit, en tout cas, les vies en ruine. Notre Dieu est un Dieu qui restaure ce qui est gâté, ce qui est jeté, ce que les gens ne considèrent pas. Mm-hmm. Voilà, donc c'est un Dieu de restauration. C'est l'une aussi des vérités. Donc, notre Dieu est le Dieu de restauration. Mm. Il est celui-là qui prend soin des cœurs brisés, des vies détruites, que personne ne veut récupérer. Lui, il est le Dieu d'amour qui récupère ses vies, qui les transforme, qui les façonne. Mm-hmm. Et qui, on le voit ici avec des pierres précieuses, les font éclater et les rend admirables. Amen. Nous partons avec bienvenue, je crois qu'il y a une autre vérité. Oui, au verset 15, mm-hmm. il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Je vais dire comme ça que le complot contre les enfants, contre de, les Dieu. Enfants de Dieu, mm-hmm. cela ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas l'instigateur des complots. D'accord. Donc, les enfants de Dieu peuvent subir des épreuves, ils peuvent être victimes de complots, mais ces complots-là ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas de complots contre ses enfants. Il les fait juste passer par des épreuves afin de fortifier leur foi. Nous allons passer à une autre question. Est-ce qu'il y a des promesses dans le texte? Nous allons prendre deux promesses. Oui, Martial. Oui, nous avons des promesses dans le texte. Oui, plusieurs promesses, mais nous allons révéler deux. Voilà. Au verset 15, je fais la lecture. Oui. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ici, quand nous lisons ce passage, Dieu fait la promesse de protéger le chrétien, de le garder, de le sécuriser. Et il a également dit encore, quiconque se liguera contre toi. En un mot, Dieu nous a donné un pouvoir face à nos adversaires. Je vais parler de Satan et ses démons. Dieu nous a donné l'autorité de briser tout ce qui est chaîne du péché également aussi, pour ne pas que cela puisse nous accabler. En un mot, Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité, l'assurance. Donc Dieu promet que nos adversaires seront sous nos pieds, ils seront sous l'effet de notre pouvoir, ils seront vaincus par notre pouvoir. Oui, Roselyn, une autre promesse. Une autre promesse, nous le voyons dans le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Voilà. Dieu nous promet de nous aimer. Voilà. Il fait la promesse à son peuple. Il dit quel que soit ce qui va se passer. Comme on pourrait le dire dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 1, au verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, quel que soit ce que tu as fait, comme on le dit souvent dans la parole de Dieu, en prêchant la parole de Dieu, on le dit que quand tu es, même si tu es un voleur, Jésus t'aime. Mm-hmm. Tu es un sorcier, Jésus t'aime. Mm-hmm. Tu es une prostituée, Jésus t'aime. Jésus aime le péché, mais Jésus n'aime pas le péché. Donc ici, Dieu promet un amour infini, illimité à son peuple. Et de deux, il fait une promesse, encore une promesse d'alliance, et alliance, il met alliance de paix. Alléluia. Et alliance de paix. Voilà. Les mots sont bien situés, c'est bien précisé. S'il y a alliance de paix, c'est qu'il y a alliance de souffrance. Mais Dieu ici fait une promesse d'alliance de paix à son peuple. Voilà. Donc, en plus de promettre l'amour, il promet la paix à toutes ces personnes-là qui acceptent son amour. Donc, si ton cœur est troublé, si tu recherches la paix, le Seigneur te promet une alliance de paix, et pas n'importe quelle paix. Il dit, une et mon alliance de paix ne chancellera point. Donc, c'est une alliance de paix éternelle. Donc, comme Roselyn pouvait le dire, toi, mon frère, toi, ma sœur, qui m'écoute, qui a le cœur troublé par ta manière de vivre ou par les pensées qui t'animent, sache que le Seigneur te fait une promesse d'alliance de paix qui ne chancellera point. Nous allons aller avec bienvenue pour une dernière promesse. C'est la promesse qui me saute aux yeux, précisément au verset 14. Il dit, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle t'approchera pas de toi. Car elle n'approchera pas de toi. Ici, la promesse que je vais relever, ici, Dieu parle d'une promesse d'assurance. Mm-hmm. Voilà, Dieu rassure à son peuple de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Parce qu'il a dit dans sa parole que vous ne devez pas craindre, vous ne devez pas avoir peur, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, donc c'est ce que je voulais révéler ici. Comme promesse. Moi, j'ai une dernière question. C'est vrai, nous sommes en train de citer les différentes promesses, mais les promesses, ça sont pour qui? Oui, Roselyne. Ces promesses, ça sont pour ceux-là même qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth et qui respecte sa parole et qui la pratique. Mm-hmm. Comme voilà. Le verset le 17 le dit. Comme le verset le 17 le dit. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Voilà. Donc ces promesses ne sont pas réservées à n'importe qui. Mais ces promesses sont réservées à celui-là qui a fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné son cœur à Jésus. Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse 3, au verset 19 à 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qui ouvre la porte de son cœur et que je rentre, je mangerai avec lui et lui avec moi. C'est ceux-là qui ont ouvert leur cœur, que Jésus vit dans leur cœur. C'est ceux-là qui peuvent bénéficier de ces différentes promesses, promesses d'amour, promesses d'alliance, promesses de protection, promesses matérielles. Voilà, c'est à cela que Dieu fait la promesse. D'accord. Donc, sur ces mots de Roselyne, nous allons passer à la conclusion de cette méditation. Qu'est-ce que nous devons retenir de tout ce qui a été dit? Nous partons avec Martial pour la conclusion. Ce que je retiens, ce qui m'a beaucoup marqué, quand bien même les enfants d'Israël sont détournés de Dieu, Dieu est revenu à eux. Pour dire quoi? Dieu a compassion de ses enfants. Et je prends comme exemple dans Lamentations 3, verset 22 au verset 23, qui déclare ceci. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrêtées, mais elles se renouvellent chaque matin. Oui, toi qui m'entends, que ce soit ce que tu as fait, que ce soit ce que tu as pris comme acte, toi qui vis mal, toi qui es brouteur, toi qui es encore dans la franc-maçonnerie, toi encore qui n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, ce soir, il t'étend la main. Sa compassion vient jusqu'à toi et il te touche. Prends la résolution de marcher avec Jésus-Christ et tu auras la paix, tu auras le salut. Amen. Amen. Il y a Roselyne qui veut ajouter, il me dit quelque chose aussi. Oui, Dieu soit béni. Ouais, nous le voyons ici, les différentes promesses sont là. Mm-hmm. Mais nous voyons qu'il y a la promesse d'amour, la promesse d'alliance. Et ce que je retiens, en tout cas de la méditation, c'est que le texte nous montre clairement que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et comme la Bible nous le dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, venez, on va discuter. Si la couleur de votre péché est rouge comme du sang, je rendrai cela blanc comme du lait. S'il est rouge comme du feu, il rendait cela blanc comme la neige. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que tu as fait, même si tu as tué quelqu'un, même si tu es un sorcier, tu passes pour quelqu'un qui est bien, mais tu ne l'es pas. Quel que soit ce que tu as fait, Dieu est prêt à te recevoir. En réalité, les hommes rejettent, ils condamnent. Mais notre Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est pour cela que Christ a quitté son trône de gloire et qu'il est venu mourir pour nous les pécheurs. Et il a dit, je ne suis pas venu pour mourir pour ceux qui sont justes, mais je suis venu mourir, ressusciter pour que ceux qui sont mauvais soient sauvés. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu fréquentes l'église, mais tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Il est bon. L'occasion se présente pour te dire, le Seigneur est prêt à te recevoir. Toi aussi, certainement, tu nous écoutes dans les quatre coins du monde. Tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Et tu te plais dans ta position. Nous t'invitons à faire la paix avec lui. Parce que c'est un Dieu d'amour. Et il tisse un contrat. Pas une alliance, c'est un contrat. C'est un pacte. Un contrat de paix. Et la paix veut tout exprimer. Viens et engage-toi. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. L'année commence en puissance avec tous ces messages d'évangélisation. Nous allons prier avec bienvenue. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous aider, chacun de nous, à véritablement être ces serviteurs de Dieu là dont il est question dans le verset 17, afin que nous aussi nous puissions profiter de ces bénédictions là que nous avons médité cet après-midi. Que le Seigneur nous aide à vivre une vie qui lui est agréable et à nous engager pleinement à le suivre durant cette année 2020 et pour toujours. Tant de paix, nous voulons te dire merci. Merci pour cette méditation. Seigneur, certainement des personnes ont entendu ce que nous avons dit, mais nous sommes limités. Je prie que, Seigneur, tu touches les cœurs, les mentalités, afin que, ô Dieu de gloire, les gens qui n'ont pas d'amour, les gens qui sont rejetés, les gens qui sont abandonnés, Seigneur, souviens-toi de ces personnes. Je veux prier pour un auditeur qui m'entend ici présentement, Seigneur, qui n'a pas encore reçu ta parole. Permets que ta parole touche son cœur, sa mentalité en cette année 2020, afin que le Seigneur puisse faire la paix avec toi. Parce que tu as dit dans ta parole que tu nous as aimés depuis la fondation du monde. Mm-hmm. Et tu as donné ton fils Jésus afin que nous soyons sauvés. Tant de paix, d'aller sauver ces âmes-là qui ont tant besoin de toi. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen. Merci à vous, très chers invités, Roselyne, à Martial et à bienvenue pour leur participation à cette émission. Nous serons encore avec eux durant tout le mois de février pour la méditation de la parole de Dieu. Merci à vous, très chers auditeurs. Nous vous laissons avec le commentaire de ce texte qui se trouve à la page 45 du Rendez-vous avec Dieu. Vous pouvez le lire et découvrir les commentaires qui ont été rédigés pour vous et pour nous aussi. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain pour un autre moment de méditation. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.